Prochain showcase, je le fais en claquette. Avec Benes, je prends direct claquette. C'est pas demain que je vais dire j'arrête. C'est pas parce que j'ai du buzz que je me la pète. Je compte tous les traumatiser. Je me rappelle encore ce qu'ils disaient. Que j'étais rainé, que j'allais pas percer. Maintenant que j'ai percé, ils disent que je suis bizarre. Cherche à acheter un permis bateau. Je vis pas dans un château. Rabatte sur un bateau. Tu me plairas, bats-toi. Braquage, tube, gendarmerie. Charbon qui marche, armurerie. Je vois que ta maman elle est en Zara. Je vois que ta gadi elle est en Burberry. Je prends plus l'iPhone, on va se faire péter. Studio, le moins CDP. Dans le studio, mon CTP. Vertise, mandat, dépôt. T'as plus un sou de déco. Y'a plus des gangs qui décrochent. Et là, ils sont où tes potes? T'avais tous dit t'inquiète. Maintenant, toi, t'es tout seul. Ça veut test, veut faire un tête. Tu vas te démerder tout seul. J'fais un assassinat. Où j'rappe, y'a pas de cabine. J'écris le cerveau, j'm'abîme. Des fois pour pas un centime. J'fais un assassinat. Où j'rappe, y'a pas de cabine. J'écris le cerveau, j'm'abîme. Des fois pour t'as trahi, tu piques la mara. Tu fais le voyou, tu faisais le garage. Trop de BDH, puis dans les parages. On veut tous le port d'armes, on veut tous le bordel. On confisque le portable, on sommet mortel. On a l'attitude même sur Biggie. Demande à Baby Boy. On s'en fout de savoir où t'habites. On s'en fout que ton pote qui cogne. Sur le son que je casse tes têtes. Tu veux test, t'as pas la méthode. J'allume le feu, ils peuvent pas l'éteindre. J'garde mon survêt, je change pas mes codes. Et fais pas le mec Brunta. On va te faire une salvatrucha. Tu veux me la faire, elle bouge. Tu veux la guerre comme un touta. J'ai bu deux verres, collé la petite. C'est ma chiquita, c'est ma pépite. Tu m'aimes pas, j'écoute pas tes titres. Tu me lances des pics, j'aurais plus tes cris. Sur la street comme Moubiar ou TK. Plus de flow que toi et tous tes gars. J'fais mon avis seul, j'écoute des gains. J'fais un clin d'œil à la mise quand j'pense en bécane. J'peux peser dans le game, tu peux être un lourd. J'ai plus rien devant la Kalachnikov. J'trop encaissé, j'me bats comme un ours. Rabib Nurmagomedov. Tu m'as reconnu, viens, on fait une toff. Tu me vois pas toute l'année, je taffe. J'crois que l'assassin, donnez-moi le coffre. J'nique tout, j'suis trop été brave. J'trois falant mini-mi. Revolver Alpha 9000. J'grimpais dans le game comme un alpiniste. À dire qu'à la base, j'étais pisciniste. Pour les maisons disques, j'suis un virus. Dites-leur que j'y risque au terminus. Si tu sais pas, on parle pas chinois. Demande à Tico, son goût est minus. Tu te rappelles de moi? Dans un pingo noir. Sans un joli verre. Avec une brune aux yeux verts. Belvédère, la mise est penchée, elle a un string panther. T'as un couteau, mais t'as acheté des gains, tu fais un planteur. Joujoujoule, popopopo, joujoujoule, popopopo, joujoujoule, popopopo, joujoujoule, popopopo, joujoujoule, popopopo, joujoujoule, popopopo, joujoujoule, popopopo, joujoujoule, popopopo, joujoujoule, popopopo, joujoujoule, popopopo.